بسم الله الرحمن الرحيم. في الفصل الذي مضى dans le dernier chapitre, on a appris que cette da'wa, parmi ses signes distinctifs, qu'elle est basée principalement, elle appelle principalement à la bonne aqida et au tawhid, qui sont le socle de toutes choses, et bien évidemment les actes également, mais ces actes ne sont acceptés que sur la croyance, une croyance qui soit correcte et un tawhid. Hein, le mushrik, d'accord, le mushrik, ces actes lui sont refusés. Et le mubtadi', l'innovateur, cette l'acte qu'il aura commis comme étant une innovation en soi sera refusé également. Naam. Thumma qala al-mu'allif hamza Allah ta'ala. Ensuite il dit: da'watu ahli sunnah tahtammu bil-'ilm shar'i. Que cette da'wa des gens de la sunna attache beaucoup d'importance à la science légiférée. قال وتهتم بالعلم الشرعي علم الكتاب والسنه لانه لا ينقذ هذه الامه من الجهالات والضلالات والشركيات الا اذا تعلموا العلم الشرعي المستمد من الكتاب من كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم. Donc il donne beaucoup d'importance à la science légiférée, cette science qui est elle le livre et la sunna, car cette communauté ne pourra être sauvée par les choses de l'ignorance, par les égarements et par les actes d'association. Et cela, hormis dans le fait qu'ils se mettraient à apprendre la science légiférée, celle qui est prise du livre de notre Seigneur et de la sunna de notre messager, sallallahu alayhi wa sallam. لأن العلم يعتبر رفعة قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Et que cette science justement est considérée comme étant une élévation pour la personne. Comme quand Allah Azza wa Jalla dans le sens où il dit que Allah élève ceux qui ont cru parmi vous et ceux qui ont eu la science en degré. Al-Mujadala, l'entretien, verset 11. Wallahu subhanahu wa ta'ala ya'muru nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam an yatluba ziyada min al-'ilm fa qala ta'ala wa qul rabbi zidni 'ilma. Et que Allah a ordonné à son messager sallallahu alayhi wa sallam de lui demander qu'il lui rajoute de la science, dans le sens où il dit et dit: ô mon Seigneur, ajoute-moi du savoir. Taha, verset 114. Et ça, comme les ulama le stipulent, c'est la seule chose que Allah Azzawajal a ordonné à son serviteur, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran, de lui demander en surplus. Ce n'est pas de la dunya, ni de l'argent, ni de la force, ni rien, mais tout simplement de la science, du savoir. وقرن الله شهادته سبحانه وتعالى بشهادة الملائكة وبشهادة أهل العلم فقال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Et que Allah justement a lié sa propre attestation, son témoignage, à celui des anges, à celui des gens de science, dans le sens où Allah dit que Allah atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adoré si ce n'est lui, ainsi que les anges, ainsi que les gens de science qui sont justes, bien évidemment. Nulle divinité digne d'adoration en dehors de lui, il est certes puissant et le sage. Al Imran, verset 18. Wa qala ta'ala innama yahsha Allah min ibadihi al ulama, et que seuls craignent Allah parmi ses serviteurs les savants. Les savants sont les seuls qui craignent Allah azza wa jalla. Fatir, créateur, verset 28. Qala ولا ياتي الشر والبلاء الا بذهاب العلماء وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقدر العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير العلم فضلوا واضلوا. Donc à savoir que le mal, ainsi que les calamités, les fléaux, les troubles, ne viennent que par l'absence de savants. Comme l'ont cité l'imam Bukhari et Muslim dans leurs deux authentiques, chacun, selon Abdullah ibn Amr ibn As, radiallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que certes Allah ne retire pas la science directement, mais il la retire, en la retirant des serviteurs. Mais cependant, il la retire comment ? Par la mort des savants. À tel point qu'il ne restera plus de savants, qui ne laissera plus de savants, et que les gens alors prendront des meneurs parmi les ignorants, ils seront interrogés et émettront des avis juridiques sans science. Alors ils s'égareront et égareront autrui. وقال فما تخبط كثير من الناس إلا بسبب تركهم العلماء فرجوع إلى العلماء عصمة من الفتن قال ربنا سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبتونه منهم. Donc les gens ne sont tombés dans les problèmes et dans les fitans, dans les troubles, que du fait qu'ils aient délaissé les savants. Et le retour vers les savants est une cause justement de préservation des troubles. Dans le sens où Allah dit que si jamais une affaire touchant à la sécurité ou à la peur leur parvenait, ils la propagent automatiquement. Alors que si jamais ils l'avaient envoyé aux messagers ainsi qu'aux détenteurs du pouvoir parmi eux, alors ceux qui ont le savoir en auraient déduit. C'est-à-dire la solution à cela. Surat An-Nisa, les femmes, verset 83. قال الشوكاني في فتح القدير أولي الأمر هم العلماء والأمراء والعقلاء الصالحون. Imam al-Shawkani dans son tafsir, dans ce verset, il a dit quoi? Que les détenteurs du pouvoir, ce sont les savants, ainsi que les gouverneurs, dirigeants, et ainsi que les gens sensés parmi les gens pieux. Les gens dotés de raison parmi les gens pieux. Puis, le Shir cita justement l'histoire de Qarun, cet homme qui était richissime. Lorsque les gens furent impressionnés par tous les biens que Allah lui avait accordés. ماذا قال عن العلماء؟ فقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل الصالح ولا يلقاها إلا الصابرون. Que après que les gens se soient égarés du fait qu'ils furent éblouis par les richesses de Qarun et qu'ils se mirent à l'envier, les savants, qu'est-ce qu'ils leur ont dit dans le sens où Allah a dit? Et ceux qui ont la science dire, prenez garde, car certes, la récompense d'Allah est meilleure pour celui qui a cru et qui aura œuvré dans le bien. Et les seuls qui peuvent trouver cette récompense, ce sont les patients. Al-Qisas, verset 79 à 80, les comptes. قال فهذه الآية دليلنا على أن أهل العلم يعرفون الفتن وهي قادمة وما العوام فلا يعرفونها إلا وقد أدبر والعلماء يدعون الأشياء في مواضعها. Donc ce verset est une preuve que les gens de science justement connaissent les troubles avant même qu'ils n'arrivent, car Qarun par la suite fut enseveli lui ses richesses, d'accord, du fait qu'il se soit enflé d'orgueil et qu'il ait refusé d'obéir à Allah Azza wa Jal. De là, les gens ont vu le résultat, justement, de ce qu'ils enviaient à cet homme, que cela n'était qu'une cause de perte. Donc de là, les ulama, ils ont averti à l'avance. Cela n'est pas un bien pour vous. Donc les ulama voient la chose avant qu'elle n'arrive par rapport aux fitan. Alors que les awam, les gens de la masse, eux, ne voient les fitan qu'une fois qu'elles sont parties, elles sont passées. Et que les ulama placent les choses dans leur contexte, placent les choses à leur place. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala, وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Voici les exemples que l'on donne pour les gens. Les seuls qui les comprennent, ce sont les savants. Al-Ankabut, l'araignée, verset 43. قال أَهْلَ السُنَّةِ يَحْتَمُونَ بِالْعِلْمِ أَيْضًا لِيَنَّهُ سَبِيلٌ إِلَى الْجَنَّةِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Que les gens de la Sunna également apportent une grande importance. Apporte une grande importance à la science du fait qu'elle soit un moyen de rentrer au Jannah. Comme dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui cherche une voie par laquelle il obtient de la science, que Allah lui facilitera une voie vers le paradis. وقال ويهتمون بالعلم لأنه بحاجة إلى العلم أيضا فهم الواقفون في وجه أهل الباطل من شيعة وصوفية وحزبية فيحتاجون إلى أن يتزودوا من العلم كي يعرفوا الشبه. Donc également, ils donnent beaucoup d'importance à la science, car eux-mêmes, en soi, ils en ont grand besoin. Les gens de la Sunna ont grandement besoin de cette science. Car ce sont eux qui, justement, font obstacle aux gens du faux. Parmi les Shia, les Chiites, les Soufis et les Hizbi. Car ils ont besoin de réfuter leur ambiguïté. Et pour cela, ils ont besoin de quoi? De science. والعلم عند أهل السنة يعتبر أرفع من الكراسي والمناصب ففي الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Que les gens de la Sunna également voient que justement cette science a plus de valeur et bien plus haute justement que les sièges qu'on pourrait avoir dans les parlements ou alors les postes à haute fonction révélés à l'écart. Car dans les deux authentiques, selon Mouawiyah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui à qui, pour qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam inna Allah yarfa'u bihadha al-kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Dans un hadith de Omar ibn Khattab, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah certes élèvera par ce livre des gens et qu'il leur abaissera d'autres. C'est-à-dire que ceux qui prennent le livre et qui l'appliquent sera élevé, contrairement à celui qui le délaisse sera abaissé. Quel que soit son poste, quel que soit son rang, quelle que soit sa richesse et quel que soit son statut. L'élévation n'a lieu que par le tamassuk bid-din, l'accroche à la religion. قال وهكذا كان حال علمائنا المتقدمين رحمهم الله فقد جاء عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من اللذة لجالدونا أو لجالدونا عليها بالسيوف وهكذا جاء عن الحسن البصري que également les ulama parmi les anciens, telle était leur voie, la tâche à la science, la plus grande importance donnée est celle qui revient à la science. Il fait remonter de l'imam Ahmed qu'il est dit que si jamais les rois ainsi que les fils des rois savaient comme plaisir, le plaisir que nous ressentons, c'est-à-dire par rapport à la science, et nous frapperaient à l'épée. C'est-à-dire que comme les rois et les fils des rois et les gens au poste sont tout le temps dans le souci, dans l'inquiétude et dans la peur du fait qu'ils savent qu'ils sont enviés, que les gens veulent les tuer pour avoir ce qu'ils ont comme bien, si jamais ils savaient l'apaisement dans les cœurs, l'apaisement présent dans les cœurs des savants et des gens qui cherchent la science, et nous tuer pour pouvoir obtenir justement cet apaisement des cœurs. Naam. Donc là, on va s'arrêter là. L'auteur cite d'autres paroles, mais celles-ci sont les principales dans ce fossile, qui est que les gens de la Sunna, parmi les signes de leur da'wah, qu'ils appellent à la science, à la prophétisation de la science, et surtout l'application de cette science, comme cela viendra, inshallah ta'ala. Walhamdulillah.